Et je profite d'avoir la parole à nouveau pour adresser tous mes remerciements aux intervenants, à ceux qui ont pris les présidences, bien sûr, de séance, au public fidèle, parce qu'il y a beaucoup de public fidèle, j'ai remarqué depuis hier, les têtes ont un petit peu changé, mais pas toutes, et loin de là. Donc merci beaucoup de votre présence, et merci à nouveau à toutes les personnes donc, du comité d'histoire régionale pour ce qu'elles font, pour que toute cette manifestation et les manifestations donc du comité d'histoire régionale puissent avoir lieu. Et bien sûr, enfin, merci toujours à la région de proroger nos activités et chaque fois de réactualiser la confiance et cette confiance vis-à-vis de, certes, en partie de l'université, mais aussi des acteurs de terrain et des associations. Voilà. Alors, Vianney, je ne sais pas si tu souhaites ajouter quelque chose. Merci. Donc, en tout cas, bon, ce que vous voulez. En tous les cas, merci, puis bon retour à tout le monde.